437. Activation, oral. Present indicative of être. Answer according to the example. You hear. 1. Vous êtes français tous les deux? You say. Non. Nous sommes américains. 2. Vous êtes française toutes les deux? Non, nous sommes américaines. 3. Et toi, tu es français? Non, je suis américain. 4. Et toi, tu es française? Non. Je suis américaine. 5. Les jeunes gens sont français? Non, ils sont américains. 6. Et moi, je suis français? Non, tu es américain.